Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamazo, station 107 FM, pour cette 15e chronique de Mille et une histoires de tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé de la première partie du tatouage dentaire, avions poursuivi par le style Chicano et avions terminé par le motif de la salamandre ainsi que ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons de la deuxième partie du tatouage dentaire, pour poursuivre avec un style de tatouage en finissant avec un motif et ses significations. Je vous propose de démarrer. Comme dit plus tôt, dans la chronique précédente, nous avions parlé du tatouage dentaire et des différentes techniques pour le faire. Afin de se rappeler de celle-ci, je vous propose de retourner en arrière. Il est en effet possible de se faire tatouer sur les dents, faisable de différentes façons, soit par des calcomanies ou peints. Le chirurgien dentiste pourra vous le faire, mais à condition que ce ne soit pas un tatouage acheté dans le commerce, car lors de l'entretien, une empreinte dentaire sera réalisée puis envoyée au laboratoire afin de la faire. Une fois faite, le dentiste collera le tatouage à l'aide d'un adhésif dentaire. Cependant, si c'est un tatouage peint, le dentiste n'interviendra pas, ce sera un professionnel du tatouage qui le fera. Mais ici, nous allons plutôt nous concentrer sur le chirurgien dentiste qui se retrouve face à la demande d'un client pour un tatouage dentaire, donc par des calcomanies, et le comportement à adopter. C'est une pratique qui, au même style que le bijou dentaire ou le piercing buccal, exige une grande prudence. Ce sont des pratiques qui n'ont aucune vocation thérapeutique et qui ne doivent pas être proposées par le chirurgien dentiste lui-même à sa clientèle. Il sera possible, pour ce dernier, de refuser la pose d'un tatouage dentaire, car comme dit avant, il y a une absence de finalité thérapeutique. Cependant, le chirurgien dentiste pourra profiter pour cette occasion afin de signaler les risques qu'un tel tatouage peut faire encourir, même s'il n'est que temporaire et non invasif. C'est-à-dire l'accumulation de plaques dentaires au niveau de la dent concernée, une possible lésion interne de la lèvre par frottement avec le tatouage, un émail abîmé au niveau du lieu de collage et la présence de résidus de colle sur la dent une fois le tatouage enlevé. Il est en effet rappelé dans l'article L4141-1 du Code de la Santé publique pour ce qui est des conditions d'exercice de la profession de chirurgien dentiste que la pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposé de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession. Et l'on ne parle là que d'un tatouage temporaire, c'est encore plus compliqué lors d'un tatouage définitif. En effet, à l'origine, il y a un besoin thérapeutique avéré de réaliser une couronne prothétique ou de la remplacer. Le tatouage dentaire vient alors se surajouter aux soins. C'est le prothésiste dentaire, de plus, qui réalise le tatouage. Toutefois, le chirurgien dentiste doit avoir conscience qu'accéder à une telle demande n'est pas sans risque. En effet, il en existe plusieurs que voici. Le dentiste n'est pas à l'abri une fois la couronne posée, que le patient souhaite ultérieurement la suppression du tatouage. Dans ce cas, il sera dans l'obligation de déposer la couronne prothétique alors même qu'aucune nécessité médicale ne l'exigerait. Certes, la couronne n'aura pas nécessairement à être faite, le tatouage pouvant être supprimé par abrasion de la surface et réalisation d'un nouveau glaçage. Mais les suites possibles du décèlement et la nouvelle peau seront néanmoins de l'entière responsabilité du praticien. Alors même qu'il ne s'agit pas d'actes anodins, cette intervention peut aussi avoir des coûts très élevés. Le deuxième risque est que s'il y a des dommages au niveau de la couronne prothétique, comme un bris cosmétique vestibulaire par exemple, indépendamment du moindre manquement technique du praticien qui a respecté l'ensemble de son obligation de moyens, le patient devra mettre en cause le laboratoire de prothèses, fabricant du dispositif sur mesure, soumis à une obligation de résultat, alors même que le praticien aurait accédé à une exigence non thérapeutique du patient, en validant la conception d'une couronne avec tatouage définitif. Il est donc fortement conseillé pour le praticien de refuser catégoriquement de concevoir une restauration d'un tatouage définitif. Si une couronne prothétique n'est pas indiquée médicalement, car c'est une pratique qui est en dehors de son exercice légal. Et donc, pour ces motifs, la responsabilité civile professionnelle du praticien pourrait être recherchée. Cependant, est-elle garantie ? Le contrat RCP couvre le dentiste pour les dommages causés à des tiers du fait de l'exécution du contrat de soins. À ce titre, il faut que sa responsabilité soit recherchée par un acte qui entre dans le cadre de l'exercice légal de la profession du chirurgien dentiste. Mais comme dit précédemment, les tatouages dentaires n'ont aucune finalité thérapeutique. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des actes esthétiques recevables au titre d'une amélioration de l'aspect, comme par exemple le comblement des rides à des fins thérapeutiques via des injections d'acide hyaluronique. Dans ce cas, le praticien, au même titre que le tatouage dentaire, ne sera pas couvert avec le contrat de responsabilité civile professionnelle. Comme vous avez pu l'entendre, le tatouage dentaire n'est pas une pratique à prendre à la légère, aussi bien du côté patient que du côté professionnel. Il faut donc y réfléchir très sérieusement avant de prendre la décision. De plus, sachez que le tatouage peut être considéré comme une nouvelle facette de l'art dentaire. Passons à la deuxième partie de cette chronique, un style de tatouage, le style du jour et le style graphique. Des milliers d'années durant, les peuples de tous les continents pratiquaient le dessin corporel pour différencier les rangs sociaux qui les composaient. Des recherches archéologiques ont permis d'apprendre que, au Japon, Afin de pouvoir les reconnaître, les criminels étaient tatoués. En Amérique latine, comme on en a parlé dans une précédente chronique, cette pratique était utilisée pour montrer qu'un homme ou qu'une femme était passé par un rite de courage. Bien que parfois le sentiment d'appartenance y est encore associé, de nos jours, il est plus fait pour des raisons esthétiques. Chaque style de tatouage fait appel à des procédés et des origines diverses, ce qui a donné naissance aussi à des origines plus modernes et plus complexes. Le tatouage graphique en fait partie. Il s'inspire de la peinture moderne et plus précisément des codes qu'elle véhicule. Forme abstraite et géométrique le compose. C'est pour cela qu'il est considéré comme un style simpliste. Mais qui dit simpliste ne dit pas forcément qu'il n'a aucune signification. Au contraire. Le style va se différer des autres via sa technique. En effet, les artistes cherchent à obtenir de belles lignes et des effets purs. La volonté de présenter une œuvre parfaite en ressort donc. Selon certaines sources, c'est un style qui serait né en France. L'on parle donc parfois de French Touch. Et qui dit style français dit tatoueur français, ces derniers étant les meilleurs dans ce style. C'est un art corporel qui est relativement récent et qui s'est développé il y a peu grâce aux écoles d'art. Les créateurs auront pour but de se rapprocher de plus en plus de l'esthétisme sur épiderme et chacun d'entre eux se développera sa propre technique et méthode, ce qui permettra de retrouver différents motifs. Des formes géométriques, des dessins crayonnés, des couleurs variées et bien d'autres encore. Ainsi, une pensée nous traverse l'esprit. La toile qu'un peintre utilise est remplacée par le corps pour s'exprimer différemment. Comme les artistes sortent de différentes écoles d'art, le style graphique a donc un style qui regroupe plusieurs disciplines. Ainsi, en fonction des influences, ce style peut être sous forme de crayonné, d'aquarelle ou pochoir, géométrique ou pointilliste, abstrait ou trompe-l'œil. Ce ne sont là que quelques-unes, il y en existe beaucoup d'autres. C'est donc très difficile de toutes les citer. Grâce à ce genre, une nouvelle vague de tatoueurs voit le jour, dans la mesure où ils sont aujourd'hui une grande liberté d'expression et le développement technologique perpétuel du matériel permettant de créer en permanence leurs sons bénéfiques. Il existe plusieurs artistes spécialisés dans le tatouage graphique, comme Mickey Bold, qui a son studio en plein cœur de Rouen. Pour lui, le tatouage graphique est bien plus un courant qu'une tendance. C'est une discipline qu'il ne faut pas prendre à la légère, ce qui nécessite une grande technique, afin d'éviter les faux pas, pense-t-il. Il a un style marqué par des traits noirs assez importants, ce qui permet de reconnaître une de ses œuvres. Ian Black, qui travaille à Montréal, est tout l'inverse de Mickey Bold. En effet, il utilise des traits plus enfantins, avec des couleurs vives. D'ailleurs, il se décrit comme un dessinateur enfant. Mais ce ne sont là pas les seuls. L'on peut citer aussi l'américaine Amanda Wachob, avec son style non conventionnel, ou encore Peter Orish, qui se contente de l'idée de base, dont ses clients, sans rechercher la signification. Sa recherche se base surtout sur la réinterprétation de ce que les clients lui proposent, afin de réaliser un tatouage graphique très raisonnable. Comme vous avez pu l'entendre, il est difficile de définir clairement et simplement le tatouage graphique, car il regroupe plusieurs influences et plusieurs idées. Donc, si vous voulez choisir un dessin qui vous correspondra le mieux, il est préférable que vous fassiez d'autres recherches. Tous les salons ne sont pas forcément spécialisés dans ce style. Les coûts d'un tatouage peuvent donc être élevés. Cela n'a donc aucun rapport avec les tatouages flash, mais des tatouages plus dans la personnalisation. Et n'oubliez pas que ce ne sera pas forcément vous qui choisirez le dessin corporel, mais l'artiste lui-même en fonction de son état d'esprit. Voici la dernière partie de cette chronique, un motif et ses significations. Le motif du jour est le soleil. C'est un motif assez répandu dans l'univers tatographique qui s'adapte aux différents styles et qui peut se placer partout sur le corps et ayant une symbolique forte, son succès en est renforcé. Comme vous le savez peut-être, c'est un astre qui permet à la vie sur Terre de naître. Il est la principale étoile du système solaire qui nous illumine de ses rayons depuis 4,6 milliards d'années. Considéré comme une divinité dans plusieurs civilisations, comme les Incas ou les Aztèques, des pyramides, ont été érigées par ces derniers pour lui. Dans les mythologies grecques, sumériennes ou babyloniennes, une divinité représente le soleil. Apollon pour les Grecs, Utu pour les Sumériens et Shamash pour les Babyloniens. Le soleil, dans la culture maori, représente le cycle de la vie. L'aube correspond à la naissance et le crépuscule correspond au passage dans l'au-delà et à la réincarnation. C'est un tatouage qui va dépendre de la perception du tatoué. Le tatouage du soleil peut en renvoyer aux figures mythologiques correspondant à l'ouverture d'esprit vis-à-vis du monde qui nous entoure. Mais il peut également symboliser la perte d'un être cher, qui est soumis donc au mouvement du cycle de la vie. Vous pouvez aussi vous faire tatouer un soleil pour montrer votre personnalité optimiste, même dans les moments les plus sombres. Cet astre est la lumière qui éclaire les ténèbres. Force de caractère et courage peuvent aussi être symbolisés par le tatouage du soleil. Pour finir, dans la culture polynésienne, le tatouage soleil représente la grandeur et la prospérité. Il n'est donc pas rare de voir des personnalités importantes de la communauté arborer ce tatouage. Donc, si vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit, d'optimiste, avec un fort caractère et courageux, ou que vous avez perdu un être cher, le tatouage soleil vous conviendra parfaitement. Libre à vous de choisir l'emplacement où vous souhaitez l'arborer. C'est ainsi que cette 15e chronique se termine. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Gamozo.